Bonjour Belgique. Réalisé grâce au fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà tout ce qui reste d'une embarcation qui transportait des clandestins. Le bateau a fait naufrage ce vendredi matin au large des côtes libyennes. C'est l'histoire d'une guerre, d'une personne qui quitte tout pour sauver sa vie. C'est l'histoire que l'on raconte ailleurs, que c'est mieux ici. L'histoire que l'on raconte ici, que c'est mieux ailleurs. L'histoire d'un espoir ou d'un désespoir. En tout cas d'un défi, d'une prise de risque, d'une entreprise inconnue, souvent dangereuse. L'histoire d'une solitude, deux solitudes qui se croisent, se rencontrent, s'évitent ou s'affrontent. L'histoire d'êtres humains qui suivent et créent chacun leur trajectoire sur cette planète. L'histoire de liens qui se font, se défont, qui manquent, se brisent ou disparaissent. L'histoire de liens qui pourraient naître mais qui ne naissent pas. Ah, cette urbanité, cette convivence, ce vivre ensemble, si difficile et beau à la fois. Ne serait-ce pas une des particularités intrinsèques de l'humanité ? La sympathie et l'empathie, la parole et donc l'échange d'idées, la communication ne nous permettent-ils pas de nous différencier de l'animal que nous sommes pourtant ? Mais si l'instinct de survie motive encore bien des réactions, des attitudes et des actes, n'avons-nous pas toutes les raisons de tenter de vivre en paix ? En fait, pour moi, ça me fait comprendre tout simplement la situation de quelqu'un qui traverse des moments difficiles, à un moment qui a tout abandonné pour aller chercher une nouvelle vie ailleurs. Et quand cette personne arrive, il se trouve à un point de départ. Et quand il se trouve à un point de départ, il faudrait un peu de temps pour qu'il puisse se remonter, pour être à la hauteur de ce qu'il est venu chercher. Tout de même comme pour ces arbres qui passent de l'automne, avec des feuilles qui tombent, de l'hiver, des arbres qui n'ont plus de feuilles, et en été, ces arbres revivent et, avec des feuilles. Pourtant, en Afrique, en aucun moment, les arbres ne laissent tomber les feuilles quand ils sont vivants. Quand un arbre laisse tomber ses feuilles, c'est qu'ils sont morts. Un centre, c'est comme un cocon, un peu fermé. Ils sont là. On ne les connaît pas. Oui, on les voit aller à l'arrêt du bus. Mais on n'a pas de contact avec ces gens-là. Et c'est peut-être là aussi que ça fait fantasmer. On croit que... Bon, ici, les gens se sont effectivement posé la question. Tiens, maintenant on a les réfugiés, il y a des cambriolages, est-ce que ce n'est pas à cause des réfugiés Et finalement, on s'est rendu compte que c'était des jeunes d'un village voisin qui avaient cambriolé quand il y a eu une suite. C'est vrai que les gens peuvent être méfiants et peureux. De toute façon, quand il y a eu des cambriolages, on a volé le matériel IFI, ordinateur, etc. Or, je ne pense pas que les réfugiés aient des voitures pour transporter tout ça. Donc, c'est du plus haut ridicule, quoi. C'est vrai qu'on leur reproche d'aller à la poste. Mais non, je ne sais pas si on leur reproche d'aller à la poste. Enfin, c'est vrai qu'ils ne savent pas où mais aller. Je sais, j'en ai parfois rencontré à la supérette du village des gens qui me posaient une question. Moi, je leur réponds, je trouve ça tout à fait naturel de les aider. Ils ne connaissent pas les produits, ils ne connaissent pas la langue, peut-être même la monnaie. Mais je ne suis pas certaine qu'ils pourraient s'adresser à tous les villageois. Non, on leur tourne le dos. Hein. Ah oui, non, ce sont ces gens-là de cette affaire-là. Non, vaut mieux ne pas. Non, et on prend son enfant par la main, viens, faut pas parler avec ces gens-là. Je suis née au Irak. Je suis une femme de 30 ans. Je viens d'Égypte. J'ai une vraie stricte famille, religieusement. Je suis homosexuelle, alors et ça c'est très interdit, avec les religions et tout. Pendant 14 mois, j'étais séquestrée par ma famille. Je mangeais une seule fois par jour. Beaucoup de maltraitements et de tortures avec ça. J'ai presque devenu folle. Il y aura un moment où je n'ai pas envie même pour continuer ma vie. Mais j'arrive actuellement en aide avec ma petite cousine. C'est elle qui m'a aidée vraiment. Je lui ai donné le numéro de mon amie à Dubaï. Je lui ai dit, s'il vous plaît, appelle. Appelle elle, explique tout. Dis-elle, je dois sortir d'ici. Vraiment. J'étais dans la maison fermée, dans une chambre. Il y a deux gars qui sont venus avec l'arme. Franchement, je n'ai pas sorti avec eux. On m'a dragué jusqu'à la voiture. J'étais vraiment en peur. Et on est arrivé dès les bordures des Syries. On a monté dans la camionnette. Elle a fermé les camionnettes. Et c'était la dernière fois que j'ai vu les rues. Je ne connais rien. On est comme les moutons. OK, allez, vas-y, hop, monte, allez. Je pleurais beaucoup parce que je te trouve fatiguée. Je n'ai pas pris ma douche. Je sens pas bon, je suis pas tranquille, je peux pas changer. Et je peur, même avec les gens qui sont avec moi, parce que j'étais avec un 50 euros, je veux pas perdre ça, je peur, mais peut-être qu'il va me voler aussi. Parce qu'il y a aussi la sortie, il a fui son pays. Je sais pas, il vient d'où. On n'a pas parlé. Tout le monde, il est complètement silence. On parle pas. Tu peux écouter une fille pleurer. Mais que je vais demander? Je suis dans la même situation. Dans les 8 jours, on arrête le matin. Il ouvre et donne le sandwich et dit OK, d'accord, mange. Et un grand bouteille de loup, c'est ça. Tu restes avec ça. Je reste avec ça 2 jours. Alors on ne boit pas beaucoup de loup. Quand tu as froid, tu mets tes habits. Il n'y a pas de couverture ni rien. On ne peut pas accoucher parce qu'on était 4 ou 5 personnes. Et on ne peut pas rester debout. Et franchement, l'espace, c'est trop petit. Non. 7 jours, je n'ai pas dormi. C'est les fatigues et les stress parce que je ne sais pas comment ça passe. Est-ce qu'on va arriver bien là-bas ou on va nous tuer ou quoi? Parce qu'on a déjà payé l'argent. Comme le passeur, il a pris mon passeport avec lui, alors je n'ai pas d'identification avec moi. Quand il arrête pour aller aux toilettes, je ne sais pas, il fait quoi, franchement. Mais le moment où il arrête, je sens que mon cœur, ça va arrêter parce que je ne sais pas pourquoi on a arrêté. Pourquoi on ne m'a pas rendu le passeport? Je ne sais pas. Je l'ai demandé. Bon, je n'ai pas parlé la même langue, mais passeport, c'est pour tout le monde, c'est le passeport. Alors je lui ai dit le passeport. Il m'a dit non, non. Moi, j'ai vu un avec un pistolet, alors je sais. Alors je te peur. Je n'ai pas argué beaucoup, fait beaucoup d'arguments. Je dis OK. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que j'ai jamais, moi, jamais faire face comme ça, de me poser des questions et parler comment j'ai vivé, tout ça là. J'ai eu vraiment peur, quoi, la première jour. Après, on m'a posé des questions là-bas. Comment mon nom? Est-ce que j'ai la famille là-bas? Je viens d'où? Et tout ça. Après, on m'a dit de remplir le papier. Après, c'est là qu'on nous a donné une centre. Après, on m'a donné un billet de train. Quand on était à l'office, on nous a donné un petit formulaire, là, pour le trajet du berger. Après, moi-même, je suis allé chez la dame. Je lui ai dit, mais comment je peux comprendre ça? Il faut faire que, en sorte, comme tu as quitté ton pays pour venir ici, personne ne t'a indiqué, il faut te débrouiller aussi pour connaître. C'est comme ça qu'elle m'a répondu. Quand même, le premier jour, quand je suis arrivé au berger, pour être franc avec toi, j'ai pleuré. Parce que je n'avais pas l'habitude de rester dans les centres comme ça. Seulement que bon, ça m'a donné envie de pleurer. Bon, une semaine comme ça, après je me suis habitué. Bon, j'ai connu, il y avait des Sénégalais là-bas et des Mauritaniens. C'est comme ça que ça m'a fait oublier un peu de stress, quoi. On peut dire que c'est une période que je n'avais même pas vécue dans le centre, quoi. Je travaillais, mais ce n'est pas un travail. parce qu'on ne donnait que des contrats. Quand tu travaillais quand même au vaisselle, tu gagnais 40 euros par semaine. Mais si ce n'est pas ça, c'est 15 euros, 20 euros. Et j'attendis, bon, deux mois comme ça, on m'a convoqué pour l'interview. J'ai fait 5 heures de temps comme ça avec une dame qui me posait des questions et j'y répondais. Un mois après, ils m'ont envoyé une lettre négative. Après, j'ai fait le recours. C'était illégal que l'avocat ait été en congé parce qu'il m'a laissé tout seul. C'est moi seul qui parlais avec le juge. Quand tu parles avec le juge, t'as que 5 minutes ou 6 minutes comme ça avec le juge. Après, c'est l'avocat du CGRA qui parle. Là, ils m'ont donné encore une deuxième négative. Bon, toute l'asile, quand même, ça dirait seulement que 6 mois. Après, tout s'est fini. Mon procédure, quand ça passe pas bien, toujours il refuse. Après, moi, je pensais ma vie, il était bon au Népal parce que quand même, j'ai été travailler. Si je n'ai pas document officiel, je peux travailler. Pour ça, je demandais de retourner volontairement au Népal. Ça aussi, ça passe pas parce que le gouvernement Népal, l'ambassade Népal, il m'a refusé d'entrer au Népal aussi. Je demandais volontaire retour en Bhoutan, mais l'ambassade bhoutanais aussi, il a refusé de retourner au Bhoutan. En Belgique aussi, il m'a refusé. Pour ça, j'ai été bloqué, vraiment bloqué. Je ne peux pas bouger. Partout, il y a un mur, il n'y a pas de roue pour moi. Il n'y a pas une petite porte ouverte pour moi, je trouve comme ça. Croix-Rouge, il m'a donné place pour un logement, mais je n'ai pas carte d'identité, je n'ai pas droit à travailler, je n'ai droit à rien. Pour ça, je suis comme apatride, je n'ai pas payé. Voilà, encore, je demande à procédure apatride au tribunal Bruxelles aussi, ça fait un an. Il n'y a pas de décision depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait déjà 7 ans, je attends. Chaque jour, ça c'est un grand tour. Je n'ai pas le droit de vivre. Toujours quand je réveillais, ma journée, ça commence avec la peur jusqu'à je dormir. Toujours un peur, parce que je voudrais commencer une nouvelle vie. Mais je pense qu'il n'y a pas de vie pour moi jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à quand il n'a pas fait nouvelle décision. La loi de Belgique, il dit que si je n'ai pas officielle carte d'identité, je n'ai pas droit à marier. J'ai droit à avoir un enfant, mais je ne peux pas donner mon nom à un enfant. Je suis déjà 29 ans, je voudrais faire une famille, je voudrais marier. Alors, je peux faire quoi? Je trouve ça, c'est vraiment dégueulasse. L'automne 2012 et cet hiver, un projet de ciné-club se met en place. Une tentative de rapprochement, une proposition de rencontre, soutenue par une commune rurale de Wallonie et un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc vous allez découvrir la version originale, comme vos parents l'ont vu quand ils étaient enfants. Ah, ça vous n'avez pas vu la guerre, oui. Oui, il a aussi vu la guerre. Il a peut-être vu la guerre des boutons, en plus de la guerre. Ah, je vous présente Saïd, qui organise ça avec moi. Et qui travaille à la Croix-Rouge. J'ai envie de dire que merci d'être ici. Merci aussi aux enfants qui habitent dans le centre de demandeurs d'asile. C'est là que je travaille. Et c'est aussi grâce à eux que je suis ici. Parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas les copains d'école? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. Hein? Alors pour une fois, ben on va faire cinéma à la place d'aller écrire à l'école. Et je dirais, on avait beau avoir essayé de chauffer la salle, il faisait toujours froid. On avait nos doudounes, mais ça n'était pas suffisant. Mais enfin, on est resté quand même jusqu'à la fin du film. Oui. Et c'est vrai qu'à la fin du film, on a eu des contacts plutôt difficiles avec les gens du centre. Mais ce n'était pas eux qui étaient difficiles, je crois que c'est nous qui étions plus difficiles. Mais c'est vrai que nous étions dans les rares autochtones de Malais. Oui, oui. Parce que c'est... Et c'est vrai que c'est... Peut-être que si nous avions été plus nombreux, ou l'intégration aurait été plus facile, ou l'intégration aurait été impossible. Mais c'est vrai que l'intégration ici n'est sûrement pas facile pour eux. Tu sais, au départ, c'était difficile parce que un peu, vous étiez tous au bar ici. Personne ne connaît personne. Ben, moi, j'ai été m'asseoir. Je ne savais pas à qui parler. Et puis après, ben, quand tout le monde est rassemblé au bar, c'est différent parce qu'on a vu un truc ensemble. Là, on s'est parlé d'une chose qu'on a vue ensemble. Tu vois, ça fait un partage d'une chose. Sinon, je ne connais rien de ta vie, tu ne connais rien de ma vie. Mais on a au moins vu ce truc-là, tous les deux. Mais à la fin du film, il y avait... Caroline avait fait une grande casserole de soupe. Et moi, j'étais très contente de me réchauffer avec ce bon bol de soupe au potiron. Et j'avais espéré que des gens viennent se mettre autour de nous et qu'on aurait discuté. Mais on est restés, nous deux, un peu abandonné, et il y avait des petits groupes et on n'arrivait pas à... Mais c'est peut-être aussi... C'est peut-être nous qui aurions dû aller vers eux. Oui. Comment est-ce qu'on a commencé notre conversation, je me rappelle. Oui, on a commencé les conversations. Ah oui, j'ai demandé si tu aimais bien le film. Oui. Bon, vraiment, moi, c'est j'ai aimé ça. Très bien le film parce que j'ai un problème de lecture. Bon, si je vois aussi dans le film... Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut en arriver à une dictature comme ça qui supprime tous les livres, toute la culture qui est là depuis 2000 ans passés, hein, parce que ça fait 2000 ans qu'il y a des livres, même s'il n'y avait pas l'imprimerie, mais il y a toujours eu des livres dans toutes les cultures, hein. Hein, c'est vrai. Mais nous, chez nous, bon, c'est le contraire. Hein, bon. Il y a le livre, mais ça vient d'arriver, mais ça n'existait pas. Écoute, chez vous, c'est comme à la fin du film, ouais. Où tout le monde apprend des livres et tout le monde passe le savoir aux enfants et aux autres. Hein. Puisqu'on détruit tous les livres, ils sont obligés de les retenir et de passer le savoir à des autres qui vont le passer après les autres. Et tout oui, c'est aussi c'est comme ça à l'Afrique. Bon, surtout moi-même, moi, dans mon enfance, je n'ai pas vécu à lire, écrire, aller à l'école, tout ça. Bon. Je ne sais pas lire jusqu'en présent, moi. Donc, je sais ça, lire ça, bon, je n'arrive pas parce que j'ai passé une enfance très, très difficile et très compliquée. Je n'ai jamais été à l'école, dans la rue, donc. Et comment est-ce que tu as appris à lire et à écrire, alors? Non, je ne sais pas lire. Ah oui, d'accord. Je sais parler seulement, je ne sais pas lire parce que... À peu près à l'est, à 13 km, il y a le centre Croix-Rouge de Hotton. Un peu plus près de nous, à 4 km sud-sud-ouest, il y a le centre Bellevue, qui est un centre fait d'asile. Et quand on se retourne derrière la maison, à peu près 15 km, le centre Croix-Rouge de Randeux, qui s'appelle Couleur du Monde. Et derrière toi, là franchement à l'est, à 15-20 km, il y a le centre Déraciné des Ailes qui se trouve à Arles. J'avais quand même calculé qu'avec le turnover comme c'est le mot employé, dans les centres d'accueil de la région, moi, petite habitante parmi peut-être 2000 personnes dans ma commune, je pourrais rencontrer dans une année 2000 personnes venant de tous les pays du monde dans mon village, si loin de tout. Comme on est dans une commune rurale, on a peu l'habitude de voir des étrangers. On vit un petit peu, je ne vais pas dire en autarcie, mais on a l'habitude de vivre chacun chez soi, si on organise bien des choses dans le village, mais on n'a pas une ouverture au monde. Parce que ça ne se prête pas comme en ville. Et donc forcément, quand on va arriver des réfugiés politiques, on a peur. Cette réserve principalement, et je pense que ça se marque plus par rapport aux gens de couleur. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer régulièrement des gens à la peau plus noire, et je pense que c'est ça qui a une retenue. Mais alors, il faut aller au-delà de cette peur et aller vers eux, et surtout les laisser venir vers nous, parce que pour eux, c'est naturel de venir vers nous. Ils n'ont pas peur de venir vers les gens, de leur poser des questions, etc. Même si au départ, il y a une certaine retenue, finalement, les gens sont aussi contents qu'on vienne leur parler. Ils ont envie de créer des liens, mais ils savent bien que ces liens-là vont être encore une fois de plus, parce que pour eux, c'est toujours des liens qu'ils créent provisoirement, et puis ils savent qu'au bout d'un certain temps, ces liens-là vont de nouveau être cassés, qu'il va falloir aller en recréer ailleurs. Il y a quand même une toute petite part de souffrance là-dedans, mais je me dis, pour eux, c'est chaque fois de nouveau recommencer. Donc je pense que c'est plus difficile pour eux que pour nous, finalement, où nous, on reste quand même dans notre confort, dans notre vie habituelle. Le centre se trouvait dans vraiment isolé dans la nature. C'est une ancienne base de l'OTAN. Ce sont des bâtiments militaires assez froids. Vu la pénurie de glace, vraiment, à l'époque où je travaillais, on avait ajouté des espèces de containers qui faisaient office de chambres. Mais donc le tout n'était pas destiné à des logements familiaux, ni... je veux dire que le bâtiment n'avait rien d'accueillant. Maintenant, on peut imaginer aussi que les procédures étaient très longues, donc c'était avant qu'on ne fasse passer les procédures à 6 mois maximum. Donc certaines personnes passaient des années dans ce centre. Bon, comme partout, il y a différentes façons de faire son travail, et je pense que certaines personnes sont là vraiment par amour de ce qu'elles font et apprécient l'atmosphère du centre, qui entretiennent vraiment une atmosphère conviviale, qui se donnent, qui travaillent à fond. Et d'autres personnes viennent simplement pour toucher leur salaire et font leur travail avec les pieds de plomb. C'est-à-dire que soit les gens se sentent respectés par des gens qui les respectent effectivement, soit ils se sentent méprisés, ce qui est, je trouve, effectivement le cas. J'ai pu expérimenter des contacts avec les demandeurs d'asile, notamment par ma fonction de présidente du CPS il y a quelques années, et également parce que j'étais chefine de la culture. Il y a de nombreux avantages à avoir, du moins c'est ce que je ressens, à avoir un centre pour demandeurs d'asile sur le territoire de notre commune, des sommes quand même assez impressionnantes, qui ont diminué au fil des années. En termes d'avantages, je pense que c'est surtout la pluralité des cultures qu'on est amené à rencontrer. Ils ont vécu des choses abominables, certainement, dans leur pays. Et tout le parcours pour arriver de chez eux à chez nous a été semé d'embûches, d'imprévus. Et ils arrivent ici et ils se trouvent en quelque sorte un peu enfermés dans une angoisse parce qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir leurs papiers. Et ils ont envie vraiment d'aller vers les gens d'ici. Ce que j'ai constaté, moi, quand j'ai été confrontée à la population, c'est que le discours est extrêmement raciste. Ils considèrent la présence d'un centre d'hébergement de demandeurs d'asile à proximité de leur domicile comme étant un danger. Voilà, ils méprisent profondément ces personnes sans leur donner la moindre chance de faire leurs preuves. C'est-à-dire que j'ai entendu des discours comme ils n'ont pas le droit de marcher la tête haute parce qu'ils sont fiers. Et s'ils regardent leurs pieds, on se demande pourquoi ils regardent leurs pieds, est-ce qu'ils sont mal à l'aise, qu'est-ce qu'ils ont à cacher. Donc finalement, au bout du compte, ces personnes n'ont pas le droit d'être là, n'ont pas le droit d'exister, de marcher ni en regardant leurs pieds, ni en levant la tête. Simplement, ça serait mieux qu'elles ne soient pas là. Ouais, un danger. Parce que j'étais le membre de Touche pas à mon nationalité, j'étais un sympathisant, soi-disant un sympathisant. Maintenant, on manifestait. Bon, il y avait des gens même qu'on tuait là-bas, en Mauritanie. J'ai fait la prison. On devait me transférer aux maisons d'arrêt. Maintenant que mon oncle a parlé à un policier, c'est lui qui m'a fait sortir. Après, le lendemain, il m'a trouvé la place. Après, il m'a dit de partir. Mais moi, je ne savais même pas la destination aussi. Donc, le bateau, j'ai dit que je ne connaissais pas la couleur du bateau. Parce qu'on a embarqué à Nouakchott, que la nuit. Bon, j'étais sous le bateau en bas. C'est un gars qui nous a amené de l'eau à boire et du pain à manger. Après, on est arrivé, on a fait une semaine de la route. On est arrivé en Anvers. Après, j'ai passé la nuit en Anvers, à côté d'un café. Quand je me suis réveillé, que j'ai demandé comment on demande l'asile ici, on m'a dit c'est à Bruxelles. On m'a montré comment partir à Bruxelles. Et j'ai pris le train. Je suis arrivé au Gare du Nord. Bon, je ne connaissais pas l'office aussi. Le Gare du Nord, c'est difficile parce que la police ne laisse même pas les gens dehors là-bas. On le fait sortir dehors pour passer la nuit là-bas, bon, avec la fraîcheur et tout ça. On a supporté jusqu'à le matin. Ben, le bateau, pour moi, était trop dangereux parce qu'on n'était que 3 personnes. Alors, tu peux quand même rester debout, mais tout était noir. Même le gars qui vient nous amener de l'eau et du pain, il avait qu'une torche pour rentrer là-bas. Parce que, bon, on se couchait, mais des fois même de nous toucher, mais avec la fraîcheur, tout ça, bon, c'était vraiment difficile. Ça bouge beaucoup, et puis c'était vraiment froid. Il n'y avait même pas de couverture. Bon. Il y avait un petit bâche là-bas même. Mais c'est ça qu'on faisait, une couverture, comme couverture. Quoi. Si le bateau avait fait un accident, on est déjà mort. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait seulement que de l'eau. Aucun moyen de sortir, il n'y a pas de sauvetage, il n'y a rien. Il n'y avait que la mer. Quand j'arrive en Courtrai, il était l'autre langue, l'autre vie, mais j'ai été en centre avec les Belges qui n'ont pas maison, homeless. Il y a beaucoup de monde dans ce centre, ils n'aiment pas transiger. Je voudrais faire amitié avec les résidents, mais ils ne voudraient pas. Ils ne voudraient pas promener avec moi, parler avec moi. Après, j'ai commencé l'école kurde néerlandais pour faire communication avec flamand. Après, ça passe pas mal. Après, ils m'ont envoyé en centre Croix-Rouge avec l'autre demandeur d'asile à différents pays. J'ai resté là-bas 4 ans dans le centre. J'ai fait intégration, j'ai commencé l'école. Mais après, quand j'ai déménagé dans un petit village, c'est pas quand y a pas beaucoup de transits là-bas. Pour ça, ça fait un petit peu compliqué pour moi. C'est pas seulement pour moi, comme l'autre demandeur d'asile aussi, parce que quand on est entré au magasin, les zones, ils regardaient vraiment bizarrement, ils pensaient qu'on est criminel, on est voleur, on va voler, quoi. Mais quand on a marché à la rue, s'il y a toute seule, il y a quelques femmes, quelques les enfants, je trouve qu'il est un petit peu peur. Il n'y a pas de transit là-bas, il y a camping, pour ça c'est un petit peu compliqué pour faire intégration. J'ai essayé, mais petit à petit, les gens, ils comprennent. Parce que moi, quand je vois quelqu'un, je parlais avec quelqu'un, je parlais toujours avec grand sourire, gentiment. Après, les gens, ils croient, ils connaissent. OK, ah, ils ne sont pas criminels, ils viennent à cause des problèmes. Après, petit à petit, les gens, ils commencent à connaître. Maintenant, ça fait 7 ans, je suis toujours en centre réfugié. Ça fait 6 mois qu'on s'est vus, dernière fois. Je suis vraiment contente parce que j'ai déjà terminé les phases de le centre, de les procédures. Alors, c'est vraiment... Ça me fait du bien. Je suis maintenant dans ma maison. Et c'est un appartement, en fait, où j'ai un grand salon et grande chambre et... Voilà, je viens de me bien installer et je viens d'amener aussi mon grand, grand canapé. J'aime bien tout ce que je faisais jusqu'à le moment et j'ai commencé aussi à aller à l'école pour apprendre le français et le néerlandais en même temps. C'est un peu dur, mais j'aime bien. Et pour les procédures, je passe là-bas au CGRA encore une fois pour prendre l'autorisation de faire les cartes d'identité définitives. Alors, le plus important, c'est que je sens plus la sécurité. Alors, je n'ai pas trop peur, mais j'attends toujours pour aller changer mon nom. Alors, c'est vraiment une étape qui est très importante pour moi, pour plus de sécurité. Je marche, même quand je marche dans la rue, je sais que j'ai le droit. Je n'ai pas peur. Je sais que je peux et je veux. Et c'est possible, pourquoi pas. Alors, c'est vraiment quelque chose qui me donne confiance à moi-même. Fais comme je veux, mais avant, c'était pas possible. Alors, dans mon cœur, ça me donne le courage et les forces de continuer. Avant, j'ai pas senti ça. C'était trop difficile à retrouver les sentiments et le courage pour aller un autre jour. Mais moi, maintenant, non, c'est vraiment incroyable. Je suis contente avec tout mon cœur. La terre va mettre du temps à guérir. Le temps passe, les saisons recommencent. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Pour vivre heureux, vivons cachés. Entre réflexes de survie et ouverture au monde, les individus et citoyens que nous sommes se perdent. Coincés dans le village global, où l'avion coûte moins cher que le train, où la crise s'éternise, nos capacités d'empathie sont mises à l'épreuve. D'une incroyable fenêtre qui s'ouvre sur toutes les cultures, à l'heure d'Internet et du grand réseau social, certaines portes se ferment sans bruit, alors que d'autres claquent. Les peurs ancestrales existent, restent, renaissent, comme toute émotion fondamentale au sein des communautés. On confond trop les principes et politiques des États avec notre philosophie personnelle, notre éthique. On se protège du danger d'être humain, trop humain. Apprivoiser, c'est créer des liens. C'est laisser l'autre devenir pour soi unique au monde, disait le renard. Unique ne rend pas indispensable. Les liens peuvent se créer pour un temps donné, durant un temps donné. Puis l'autre part, loin, ailleurs, on ne sait pas. Le manque sera le verre à moitié vide, la richesse de la rencontre sera son opposé. Si laisser partir sans adieu est une preuve d'humanité, accueillir sans attente ni limite en est la substance. Ce que vous écoutez est une recherche, une question. Ce n'est ni une réponse, ni une leçon. Le sujet a paru difficile à traiter, l'anonymat s'imposa de lui-même. Entre langue de bois et silence poli, à force de patience, de persévérance et de confiance, j'ai récolté ces témoignages, dont chaque mot pèse son poids d'or, de plomb ou de plume. Dont celui-ci, par courriel, reçu après plusieurs mois de négociations, absolument anonyme. Bonjour Caroline. Voilà, je prends enfin le temps de te mettre cette histoire par écrit. Tout commença un soir de la semaine, entre le repas et un coup d'aspirateur. Mon fils me dit « Avec Mohamed, j'ai fait ça ». Ce prénom reviendra d'autres jours de la semaine et entrera dans le récit normal d'une journée d'école. Et puis ce jour de décembre, le repas de Noël de l'école. Tous les parents se pressaient dans l'aubette installée dans la cour pour décrocher le précieux sésame, un crapuleux vin chaud. Les enfants, eux, poursuivaient l'usure incessante de leur godasse dans la cour. Mon fils se précipite, transpirant par moins 10, et vient glaner l'accès à la plaine de jeu. « Papa, on peut aller sur la plaine de jeu avec Mohamed ?» Il est juste à côté, tout aussi transpirant. Je réponds « Oui », mais allez aussi demander aux parents de Mohamed. Un sprint plus loin, je vois les deux petits mecs dégainant leurs yeux de chapeauté et argumentant le côté génialissime de la plaine de jeu. Il s'adressait à un petit monsieur, coca dans la main droite, l'air pas trop à l'aise sous ce chapiteau où les tournées de vin chaud allaient bon train. Je croise le regard du mec. Il me fait un sourire mal à l'aise. Je vais le voir et lui tend la pince. Il sourit chaleureusement. En face de lui, une petite femme avec un jeans délavé et un voile. Je lui tends la pince également. Elle hésite, me serre à moitié la main et la lâche aussi vite avant de s'éclipser. Le mec, son mec, s'excuse du regard. La religion, me dit-il. Notre grand tire des plans sur la comète. On pourra inviter Mohamed pendant les vacances. Oui mec, on fera ça. L'été se pointe. On va pouvoir dépoussiérer les plans faits en hiver. Le grand revient de l'école. Mohamed a changé d'école. Ah bon ? Il est où ? Je ne sais pas. Il n'aura plus aucune nouvelle. Au début, il demandera pourquoi. Et puis avec le temps, les prénoms ponctuant les aventures du jour seront remplacés par d'autres. Plusieurs mois plus tard, il demandera bien ce qu'est devenu Mohamed. Et moi, comme un con, j'ose pas lui dire, qui vient d'un pays où l'immigration est économique, que la maladie de sa mère, eh bien l'Office des étrangers, elle considère pas que c'est un neuf terre. J'ose pas lui avouer qu'à partir de maintenant, la famille n'est plus la bienvenue, qu'elle va louer un sous-sol en Outremeuse, sans aucun papier en poche, et que j'ai revu son père en ville, longeant les murs, avec son nouveau statut d'illégal. Comment lui expliquer ça? Par rapport aux enfants primo-arrivants, moi c'est l'ouverture d'esprit, et arriver à avoir son propre opinion face à la différence. Ce qui est difficile parce que bon, les enfants sont éduqués par leurs parents avant tout et sont déjà, leur regard est déjà dirigé. On ressent très fort les enfants sur le quoi rassemblement. Déjà quand ils s'asseyent, il y a déjà des enfants qui se reculent ou qui mettent leurs mains entre l'enfant qui vient du centre et eux-mêmes. Donc ils mettent déjà une barrière. Donc nous, il faut déjà, l'air de rien, qu'on puisse veiller à ce qu'ils s'apprivoisent et que cette barrière, petit à petit, en respectant les deux, puisse tout doucement se rétrécir. Donc c'est ça, c'est vraiment apprendre à l'acceptation de l'autre, apprendre qu'on n'a pas tous les mêmes chances, qu'on ne décide pas d'où on vient, qu'il faut qu'on fasse avec, qu'on peut comprendre qu'on est... Oui, pouvoir accepter d'avoir peur, on accepte qu'ils aient peur de la différence, donc c'est tout doucement les rassurer, tout doucement leur montrer qu'ils peuvent partager des choses chouettes aussi avec eux, apprendre des choses que l'un et l'autre qu'ils peuvent s'apprendre des choses mutuellement. Oui, en fait, on a une famille dans l'école ici. Nous avons une famille de 3 Russes et 2 enfants sont en maternelle. Ce qui est, il y en a un qui devrait venir dans ma classe, chez les moyens, et un autre chez les petits. Ils souffrent tellement de la séparation du grand qu'on ne peut pas les scinder. Donc on laisse les deux ensemble, les deux petits ensemble. Mais malgré ça, dès qu'il y a un changement d'espace, ils crient, on voit dans leur regard qu'ils sont effrayés, parce que nous, vu qu'on n'a pas au niveau de la langue, on ne sait pas leur expliquer. Alors à partir du moment où ils n'ont plus confiance en l'adulte, ils sont tout le temps en insécurité. Donc là, on est allé au marché, ils sont remontés dans le bus, ils ont crié tout le temps. C'est seulement sur le marché, quand ils ont vu où on était, qu'ils se sont calmés. Mais j'essaye de me dire, moi, en tant qu'enseignante, tout ce que je peux leur donner, c'est beaucoup d'amour. Je me dis, c'est toujours ce à quoi je m'accroche. Un enfant, s'il sait que quelque part au monde, il y a des gens qui l'aiment, c'est des choses qui reviennent, qui sentent, c'est pour les nourrir, pour affronter d'autres difficultés. Donc je me dis, leur donner de l'amour, des câlins, la confiance en soi, du plaisir, un peu de plaisir. Je me dis, leur donner un peu de force pour affronter les choses suivantes. Oui, les gens étaient bien entendu tout à fait opposés à l'arrivée des réfugiés, et parfois pour des questions très, très matérielles. Et je sais que dans le village de Failly, on s'inquiétait pour savoir s'il y avait 200 personnes qui venaient là, si on aurait encore de l'eau dans le village. Donc, ce n'est pas nécessairement du racisme qui disait non, mais c'était des choses bien, bien concrètes. Au fond, on est coincé entre des gens qui sont là de tout temps, qui sont inscrits depuis des générations sur une terre, et des gens en effet qui sont de passage, on est obligé d'adapter à une situation de gens qui sont entre le mode nomade et le mode résidentiel. Quand on les reprend pour les renvoyer dans leur pays, là, les centres fermés, oui voilà, qui me font un peu penser à des camps de concentration, je ne peux pas être d'accord. J'ai des témoignages de réfugiés qui vont dans ce sens-là, qu'on est quand même parfois à la limite de la torture, en tout cas de la torture psychologique. Et en tant que chrétien, mais en tant qu'homme, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et ce sont des contacts qui deviennent parfois assez affectifs. C'est quand même intéressant d'avoir leur expérience avec le... Le problème, c'est que quand ils s'en vont, il y a toujours un petit deuil qu'il faut bien accepter. Bien entendu, s'ils commencent à travailler, on va leur reprocher de prendre le travail des autres. Et puis, on entre dans des cercles vicieux. S'ils s'intègrent, c'est mal. S'ils ne s'intègrent pas, c'est tout aussi mal. Mais il y a aussi un troisième aspect, quand ils essayent de s'intégrer, est-ce que nous les aidons à s'intégrer? Est-ce que nous les aidons à être accueillis? Je n'en suis pas si sûr. Il y a probablement dans nos villages un peu une difficulté à accueillir un autre groupe. Une personne isolée, oui, mais un autre groupe, c'est plus compliqué. Personnellement, je voudrais que ce temps où on fait leur procès quasiment, hein, pour voir s'ils peuvent rester ou pas, soit plus court. Parce que c'est inconfortable pour tout le monde. Pour eux, pour commencer, mais c'est inconfortable pour le reste aussi. Imaginez les enfants qui se font des copains, et puis 3 mois après, les copains ne sont plus là. Et en revoilà des nouveaux qui arrivent, et 3 mois après ou 6 mois après, ils ne sont plus là. À un moment donné, il y a saturation. quand ils ont leur statut, qu'ils essayent de s'intégrer, qu'on essaye de les intégrer d'accord avant, on essaye de scolariser les enfants en français, et puis ils sont bombardés à Anvers, où là ils doivent parler le néerlandais, et tout est à recommencer. Je ne crois pas que ce soit vraiment de bonnes solutions. En fait, quand je travaille à Népal, je travaille avec la touriste comme guide. Je gagnais bien l'argent aussi là-bas. Pour ça, je pensais pour faire mon société, officielle société pour une touriste travel agency. Mais quand j'ai essayé, je ne peux pas avoir en société parce que je n'ai pas officiel document. Moi, je n'ai pas droit pour ouvrir un compte banque aussi. Je n'ai pas droit étudier. Je n'ai pas droit à acheter maison. Je n'ai pas droit travailler bon société, là, truc comme ça. Pour ça, ça m'a donné un petit peu de pression. Pour ça, je pense ok, je vais quitter Népal tout de suite. Je prends le train, le bus. Jusqu'à frontière, après je prends le train jusqu'à Delhi. Il m'a raconté quelques mafias qui font faux passeport, là, truc comme ça. Je attends, je donne ma photo. Je attends pendant plusieurs mois, trois mois, je attends pour le passeport. Après, quand je prends l'avion, j'ai été trop peur parce que ça, c'est pas mon passeport, ça, c'est le nom de l'autre personne, seulement photo de moi, ça, c'est faux, vraiment faux passeport pour moi. Immigration officier, il a contrôlé mon passeport, il a regardé mon visage. Quand je sors, il y a quelqu'un qui m'attend là-bas. Je donne l'argent, qu'est-ce que je dois, 3000 euros plus le passeport. Après, il m'a dit ok, je peux faire demander d'asile ici, pas en France aussi, mais c'est mieux si je pars en Belgique, parce que Belgique c'est mieux pour le transit. Je prends le train jusqu'à Bruxelles. J'arrive en Gardiner 5h du matin, parce que je ne connais pas quelle heure il va ouvrir. 9h quand il a ouvert, moi j'ai été trop peur, qu'est-ce qui se passe peut-être. Je ne sais pas, ça c'est nouveau, tout est nouveau, mais. Quand je suis entré à l'office étranger, il m'a posé plusieurs questions, plusieurs choses. Et je suis ici, en Belgique. J'ai bien arrivé. C'était difficile, mais je suis contente. Mais je peur de la procédure parce que je ne sais pas. Et franchement, je ne sais pas comment ça va aller ou bien. Ça dépend. Encore, ça dépend pas en la base de l'histoire, mais ça dépend de tous les la loi et des choses comme ça. Alors, c'est pas sûr. Et pour moi, retourner là-bas, c'est mieux que je meure ici et que partir là-bas, parce que en fait, quand j'arrive là-bas, ça sera sûr. Ça sera sûr. Je vais perdre mon avis. Alors, j'ai pas d'autre place. Je connais personne. Ah, mon rêve, ça sera. Alors, un bon avis sans peur du jugement et où quelqu'un va m'attraper ou va me tuer, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est le plus peur que j'ai pour le moment. Oui, c'est vrai, de temps en temps, la loi, c'est trop dur, quoi, mais il fait le maximum pour, dans les 7 droits pour t'aider. Et ça, pour moi, c'est très bien. C'est magnifique. Pour que je vis dans une bonne communauté et société. Je peux travailler, être plus productif, je peux faire les choses, les bonnes choses, tranquillement. Je peux parler ou être comme je veux sans quelqu'un me juge. Je rêve que j'ai être libre. J'ai le droit pour. C'est ça, pour faire comme je veux ou être comme je veux. Bien sûr, avec le droit et la loi, mais libre ou quoi. On m'a dit seulement que j'ai un courrier à la poste. Après que je suis allé à la poste, que j'ai récupéré la lettre. Après, je l'ai ouvert, j'ai lu la lettre, je trouvais que négatif. C'est comme ça que je suis parti. Après le lendemain seulement, je suis parti. Ouais, je savais que je revenais ici à Bruxelles avec un ami, qu'il m'a logé ici. Bon, ma situation, que je suis maintenant au sans-papier, je suis sans-papier, que c'est difficile d'être ici à Belgique. Pour être sans-papier, c'est très difficile. Parce que tu n'as rien comme revenu, tu ne peux pas travailler. Tu es sous les ordres seulement, et puis tu as peur de contrôle, voilà, tout ça. Même pour monter dans les métros, que tu as toujours un cœur qui se bat, voilà. Dans les bus aussi, c'est pareil. C'est une très, très mauvaise situation, que je veux dire. Parce que tu es là, même si tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Que tu n'as rien comme revenu, et puis tu ne peux pas travailler, bon, que ça fait mal. Quand tu es resté seulement croiser les bras, comme ça, regarder les gens qui partent et qui reviennent, voilà. Bah, ici, quand même, je ne vois pas l'avenir, surtout actuellement aussi, c'est très difficile, très, très difficile. Parce que même, il y a une maison que les gens ont pris là-bas, je ne sais pas, à Molenbeek, je ne sais pas si tu entends la maison, pour les maisons des sans-papiers, tout le monde est là-bas, mais il n'y a rien encore. Ils n'ont rien dit, le gouvernement n'a rien dit. Quand même, aussi, j'ai aucun espoir d'avoir des papiers ou un autre espoir. Moi, j'ai pas le choix de faire quoi que ce soit, quoi. Je suis toujours en danger, quoi. Parce que quand tu n'as pas les papiers, tu es en danger. Mon premier enfant, il est né en 2009. Et l'autre, il est né en 2013. Une fille. Je la connais pas. Donc c'était le soir de Noël et on était déjà tous là à faire la fête avec mes quatre frères et sœurs, ma mère, deux, trois invités. Et là, ma plus grande sœur est arrivée avec un ami qu'elle avait rencontré, un Afghan qui venait d'obtenir ses papiers et qui avait voyagé 8 mois depuis l'Afghanistan dans des conditions, à mon avis, affreuses. Bah bon, il était musulman, donc c'était à mon avis sa première fête chrétienne. Et donc il est arrivé un peu timide, un peu perdu aussi, hein, ce que je peux comprendre. Et on l'a vraiment accueilli chaleureusement, on était heureux de l'avoir et tout ça. C'était un peu spécial pour nous. Et on n'avait jamais vraiment rencontré quelqu'un qui avait enduré des choses qu'on peut même pas concevoir vraiment, quoi. On avait tous un petit cadeau pour lui, donc c'était sympa. Et ouais, il était vraiment ému, presque gêné, hein, quand il recevait tous ces cadeaux, parce que lui, il n'avait rien, mais évidemment, il ne possédait rien, le pauvre. Par exemple, on n'avait pas beaucoup de place dans les fauteuils, on était tous collés un peu les uns contre les autres, mais nous, on a une habitude, que ce soit dans le bus, dans le train, ou même à la maison, de pas trop s'affaler sur l'un l'autre, de faire attention à pas trop se toucher et tout ça. Et lui, par contre, oui, on aurait dit que ça l'arrangeait bien de venir se coller, à la moindre photo, de d'enlacer chaque personne qui était à côté de lui, et d'être fort comme ça, mais on l'a pas du tout mal pris, parce que vous pouvez comprendre que... Il n'avait pas beaucoup de contact avec qui que ce soit depuis longtemps. Ma façon de comprendre cette attitude, c'était le fait qu'il venait d'une culture totalement différente, qui n'a rien à voir avec la nôtre, et je l'ai mis là-dessus. Dans le futur, je réagirais différemment, parce qu'il y a eu une ambiguïté qu'il n'a peut-être pas comprise. Et moi-même, quand j'ai déjà été acceptée dans des cultures différentes, les gens m'ont remise à ma place quand je ne faisais pas ce qu'il fallait, mais gentiment. Et ils m'expliquaient quoi faire pour être poli, et je le faisais. Donc la prochaine fois, je ne ferai pas comme si c'était normal pour moi aussi, je l'expliquerai que c'est pas normal. Moi qui ai vécu la ville si longtemps, moi qui ai croisé, connu, fréquenté des personnes si éloignées et si différentes les unes des autres, pour moi qui ai voyagé sur 4 continents, souvent seule, ouverte à la rencontre, pour moi qui ai côtoyé toutes sortes de situations administratives connues, cela n'a jamais été un problème. Pour moi, en tout cas. Il y a bien des frontières que je n'ai pu franchir, faute de visa, que des barrières financières, principalement. Certains pays où mon passeport était ma sécurité et devait rester caché, à tout prix. Des régions où ma peau me rendait discrète, mais où la langue me trahissait. D'autres où je partageais très naturellement la langue, mais où ma peau, mes cheveux, mes attitudes, transformait en théâtre tout lieu que je traversais. Je portais malgré moi à tour de rôle les étiquettes d'européenne, du vieux continent, de petite fille de colons, de belges, d'artistes, de docteurs, de riches, de pauvres, de citadines, de travailleuses, de marginales, d'étrangères, de blanches. Si les étiquettes existent forcément, elles ne devraient servir que celui qui les porte et en joue. Abstenons-nous d'en coller sur les autres, que ce soit de face ou dans le dos. Bonjour Belgique. Bonjour Belgique. Bonjour Belgique. Bonjour Belgique. Bonjour Belgique. Bonjour Belgique. Une recherche, un voyage, un film sonore de Caroline Michonnerard avec Monde dans ma bulle production. Réalisé grâce au fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour votre écoute, vos paroles, votre soutien et votre confiance, merci. Merci à tous. Vendredi matin, au large des côtes libyennes, 200 personnes se trouvaient à bord. Les gardes-côtes libyens arrivés tardivement sur place n'ont pu sauver qu'une quinzaine de personnes.